C'est vraiment une façon, regarde, c'est des couillons, c'est des pourris, c'est des salauds. Ces gens-là mériteraient la peine de mort demain matin. Je peserais sur le Switch sans aucun remords. Puis c'est bizarre, hein? Ça me dépasse, ça me dépasse. Mais attendez-vous. Des gens qui pensent tout avoir de grandes explications, de grandes analyses. Garde, quand tu fais un coup de salaud comme ça, fuck tes analyses, va-t'en sur la chaise pis grille, salopard. C'est ça, exactement, exactement. Puis si ce que Richard Martineau dit est vrai, ben... Il y a des gens qui sont imputables. Lui, il dit que l'heure est maintenant au terrorisme local. Les lone wolves, qu'ils appellent. 2.0, les terroristes solitaires. Donc... Un coup de pourri, des bombes de salauds. Et hier, je me suis posé la question que je me pose souvent quand il y a des tragédies comme ça. On pogne là où les crottés qui sont responsables de ça. Tiendrais-tu la hache? Tiendrais-tu la switch? Peserais-tu sur le bouton? J'ai vérifié hier après-midi. Première affaire que j'ai faite, je suis allé double-checker. Je me doutais de la réponse. Mm-hmm. Mais la première affaire que j'ai faite hier après-midi, c'est d'aller double-checker. D'aller voir les lois. La peine de mort au Massachusetts. Oui. Je connais assez bien le Massachusetts. Je savais qu'il n'y en avait pas, mais je suis allé faire le double-check pareil. Mm-hmm. Il n'y a pas de peine de mort au Massachusetts, malheureusement. Et qui a fait ça? As-tu lu Richard Martineau ce matin? Très intéressant. Oui, concernant le terrorisme pour des crotons de sous-sol. Exactement. C'est que au cours des derniers jours, selon Richard Martineau, moi je l'ai pas vu, mais Martineau dit que Al-Qaïda a mis en ligne une espèce de guide pratique pour les terroristes solitaires. Mmh. Où l'idée qu'il y a derrière ce guide-là, c'est de dire aux crottés de terroristes, au lieu de perdre du temps, essayer de faire des gros attentats terroristes comme le 11 septembre ou ce genre d'attentats-là. Faites des petites bombes sales. Faites des petites bombes de salauds, des petites bombes de salopards. Pratiquez aussi peut-être des assassinats arbitraires à la mitraillette, attentats avec des bombes artisanales, etc., etc. Parce que ça, c'est pas mal confirmé. Très rapidement, on parle de la droite, la méchante droite, l'extrême droite. Dans le passé, il y a eu... Oui, l'attentat d'Oklahoma. On le sait, Timothy McVeigh passait sa chaise avec son complice. Il y a des milices aux États-Unis, Il remonte ça même à Waco, là, lui. Mais c'est ça, c'est d'entendre. Je sais pas si tu l'as sorti, ce bout d'extrait-là. Fait quasiment un comparatif avec... Waco et l'intervention de... Il a commencé son intervention avec ça. Là, il a fait une espèce de retour en arrière. Chronologie. Parce que c'est vrai que le Patriot's Day a été souvent la date qu'on a choisie pour faire des folies de même. Oui, mais souvent, en même temps, souvent, c'est quoi ça, souvent? Trois, quatre fois. Là, trois, quatre fois que des éléments d'extrême droite ont attaqué les États-Unis. Ah, mais là, des éléments d'extrême droite, c'est pas ça. Non, c'est pas ça que je veux dire. Ouais, je comprends, là. Moi, ce que je te dis, c'est que c'est... Mais en même temps, ça arrive souvent qu'on choisit... Tu sais, quand t'es détraqué dans ton coco... Des éléments significatifs. Choisis une date, tu sais, qui dans ta tête va rassembler des gens, tu sais, puis... Oh, même pas juste à dire, ah, il va y avoir du monde, c'est Patriot's Day, là, tu sais. Mais lui, il fait un lien avec la droite américaine, Patriot's Day... Je comprends pas, là. Je la comprends. Regarde, on va l'écouter. On l'écoute. Patriot Day, troisième lundi d'avril, c'est pas une date innocente dans les années récentes pour une certaine extrême droite aux États-Unis. D'abord, en 93, c'est le jour où les forces fédérales avaient donné l'assaut sur le complexe de Waco. Il y avait une secte qui vivait là avec... David Koresh. Tu t'appelles le gourou? Oui, les Branch Davidians, il y a eu un carnage là quand les forces fédérales, l'ATF, le FBI ont donné l'assaut. C'est devenu une sorte de point de ralliement pour certains coucous de l'extrême droite américaine. Et ça aurait aussi inspiré l'attentat de 95 à Oklahoma City. Exactement, Murrow Building. Qui est survenu le même Patriot Day comme aujourd'hui. Dans le cas de Waco, c'est une intervention, mais c'est l'intervention du FBI. Le FBI a décidé de donner l'assaut le 19 avril 1993. C'est pas Waco et David Koresh et ses amis qui sont fait sauter avec des bombes en choisissant cette date-là de manière spécifique. Mais je comprends ce qu'ils veulent dire. C'est peut-être qu'on veut honorer. Mais on est rendu loin, là. Moi, j'ai lu ça à nulle part dans les médias américains, là. Que peut-être que ça serait l'extrême droite qui voudrait souligner l'intervention du FBI à Waco, Texas. Non, mais tu sais, même avant d'avoir des confirmations, on peut se garder une gêne aussi. Tu sais, puis même avant de dire Al-Qaïda, tu sais, je dis, j'ai non, pas on peut lu pas ça dire Al-Qaïda. Tu dire... comprends? On peut parler de terrorisme. Là. Ben oui, c'est un acte terroriste. De quelle branche, puis de où, puis pourquoi, l'extrême droite, les musulmans, je sais pas. Là, on le sait pas du tout. Donc, moi, je trouve qu'on déjà on s'avance. Lui, tu sais, il fait une espèce de un tricotage. Là. Mais personne. Mais ça se peut là. Mais c'est juste que là, il est peut-être un peu tôt commencer à pointer des groupes et à lancer des Mais regarde, pas Richard Martineau ce matin. Ça, c'est comme ça ressemble un peu. Mais, il y a quand même tous les liens qu'on pourrait faire avec une certaine extrême droite américaine, les mouvements des milices. On pense à Oklahoma City. Oui, il faut rester ouvert. Par contre, l'information qui circule, c'est que la personne qui est détenue actuellement par le FBI, c'est quelqu'un de l'Arabie Saoudite, là.